de brouillard. Je sais pas ce que j'ai là, tout au fond de moi. L'envie de m'enfuir, ou bien en finir. L'envie de toi, tout au fond de moi. Je m'imaginais toujours. L'envie de toi.